Katamondo. J'ai pas une seule rime avec mes skins. Ici c'est le Black Mess Ring, 95 victimes. J'ai mon putain d'ass et clean. Ghetto Star mon clan, ici pas tout nous close. Sixième show d'être John et le Franks, tout le monde est stone. Tequila, AKS, Rivers Team, Stone Cold. New Generation, à part si personne est home. Bombe pas le torse, balle très. La première bombe à mort, pour les casse. Pendant que mes autres négros chargent les flingues. Ici ça chlingue la voix, ça snatch, slack et quoi. Nique sa mère le rap Franks, la ghetto superstar. Une putain de catastrophe. J'ai encore une saison qui les gagne, putain de rime choc à chaque strophe. Ta gueule les bronze qu'on t'offre. Fais pas de chichi chien. On sait ton calarme. On trouvé qu'il bleu dans le corps. J'arrive en secret. Tu m'as pas vu venir. Rap insensible. Tu m'as vu où? J'quatte pas les boîtes. Laisse-moi ici. Ghetto trop. Tu yes quand j'ai mon spliff et de l'inspire. Et que le matin j'me lève et respire. Rien à foutre du mou. De prouver aux gens que moi j'suis speed. J'suis là pour sauter le coffre et partir. Et j'suis Renoir et fier. Si t'aimes pas j't'emmerde. Afrique, Nord, Sud, Est, Ouest. Hardcore, yes. Anti-dep, yes. Assassin sur instru. Anti-port, yes. J'attends que le Dawa j'en bave même. L'hexagone en assaut, j't'en bave même. Si tu suis le cortège, toc, toc, c'est qui? Ouvre la porte, fils de pute, c'est gaz. Un mic, une instru et c'est la magie. Ne teste pas dans ce qu'on peut bien faire. Fais pas le con, c'est ghetto, c'est un garçon, fais pas le dos rond. C'est la rue derrière le micro qui te parle. Celle qui est fière et fout son doigt dans ce que toi-même tu sais. Rap clair et haut, pour l'espoir et haut. Big dédicace aux frères en taux. C'est le pire est en route. La guerre est déclenchée, l'iris de Beyrouth. L'industrie du disque, Dynamito, C4. Devine, qu'est-ce putain de détonateur planté dans le cœur. Top ma quoi, joue au gars. Ghetto star, si l'on humeur, si on est nat, tu meurs. Star, on meurt gage. Truc de barre, c'est dingue. Même nos putes sont impliquées. Putain, flingue. Pour mon putain d'anniversaire, voilà ce que ma pute m'a offert. Hein, j'ai tellement de détracteurs. Un 12 coup me suffirait pas, il va me falloir un Uzi. Ghetto star, en matière de rime. Sous l'instru, voilà l'usine. Les autres se résignent, texte à la barre affine. Ça sent le roussi et le shit. Après notre passage, faut que t'as air message. Ton beat ou la combi la air. Agite ta seuf et mets le bras au pas de pleurs. Rap pas au risque, ma clique sur disque et c'est le chaos. Sachant dire non, c'est le putain d'aime. J'leur merde aux flics, aux putes de juge, au système. Explique aux porcs qu'ici c'est vulgaire le bel. Récit hardcore et la belle scène. Ici je m'aille, donne des phases, des fourrales sont kick sec. Rien à foutre de ces petites tailles, j'reste col, chargé de 6 balles. Ici c'est marche ou crève, LRX tranchant comme le grève. Ça doit faire mal, on fout la hola. Ici je suis à gare, au mec c'est kilo omega. Venu faire swinguer les scars là. Vieillez le bel style, trop de salles à lâcher. Même par Oro, les maisons 10 veulent nous acheter. Tête sous ganja, presque taille. À pouvoir fumer le truc, faire le bar sur le denja. Bingo, Echo, Kilo Sira. Mon nom c'est Pexou, a.k.a. Fantôme de l'opéra. On entame le deuxième tome. Rien à foutre si t'aimes pas ce thème. Quand je sois à l'cro, les baffes crament. L'instru de crée, j'kick avec les gros. Pour les grands, bas de la tête qui veulent du bruit. Maintenant tu sais, c'est pas la tôle, le tas ou le cancer qui va te flinguer. J'arrive sans frein, négro mortel. Ghetto superstar explose. Apporte l'overdose et souffrir avant de mourir, putain. J'ai salé pute, la guerre dans le rap dans le monde. Les mains se serrent, mais y'a que le bang-bang qui cause. Si ça fait boum boum, faut que tu t'imposes, pas ta rose. Merde, trop noir et de sang dans cette frange en mer. Les préjugés, cherche à le monde comme ma aide. Ramé devant les caméras, ramé, ramené. L'avant-première, jugé par défaut, 24 à militants. Le beat spawn en live. J'pose que ça se répand, prends note, pompon. Mauvaise nouvelle, ghetto star, j'suis au popper, c'est fanatique, style like. J'm'adresse à toi, palmito, j'parle, palmito. J'redresse la barre, ghetto star, c'est pas trop tarnito. On vient, on tarte les religieuses, font une petite gâterie, rime vicieuse. On m'a appris en mettre plein les yeux sur une batterie. C'est une pièce montée de toutes parts, mec, couplé par 3 étoiles notées. Bon affre, rap et sexe, c'est noté. Le fin gourmet, goum, gourmet au poignet, menotté. Plus de mille feux, j'casse des gueules, déguste, déguste et tasse des gueules. On fout le smell et là, tu l'as dans le baba comme Ali. Moi, l'animal dans cette forêt noire. En homme animal, la cerise sur le gâteau. Ghetto, ghetto, Steve, j'aime, hey. J'aime. Comme le boulanger, hey, faudra plus bêto. 3 piges et quelques filles plus tard. Une petite pause avant de revenir faire pleurer le pétard. Qui t'a effleuré les petites natures. J'ai ce bâtard, pit, qui remet le sarcellé sur orbite. Le micro sature. Dans ce qui est cachot, clic, les gens chauffent une fat. En conque style, enfoiré, double gunfight. En soirée, pousse tes putains de boîtes. On squatte la piste, on squarait en 84. Éclate sur 24 pistes, c'est love et peace pour mon squad peace. Le peuple leur demandait aussi si on a la putain d'équipe adéquate. Que Dieu nous bénisse. Le mind glitch et les mains moites. La rage pisse, je suis pas né dans la boîte. Et là t'attends la suite et tu pries pour que la bombe éclate. Y'a un autre compte bambou clap, cherche-moi Elvis. On porte l'asphalte et le fils. On boite les bits fat dans les foyers français. Lève ton putain de bras, tu sais comment c'est. Il belle lancé au devant de la scène censé. Celle-là c'est pour Léon, c'est les anciens ghetto stars délicacés. Ça sent le roussi et le shit. Après notre passage, faut que t'aies un message. Ton beat pour la copie la air. Agite ta seuf fait mille bras au bas de pleurs. Rapa au risque, ma clique sur disque et c'est le chaos. Sachant dire non, c'est le putain d'aime. J'leur merde aux flics, aux putes de juge, au système. Explique aux porcs ici, c'est vulgaire le bel récit hardcore et la belle. Leur mort est dit, ils veulent me tenir en laisse. Je lâche pas de l'est, infectueux comme la peste. Tristement célèbre, mais encore libre. Moi, Kalashnikov, ils voudraient me couper les vivres. J'ai buté le préfet Erignac, Rodka DSK, et coupé le fric avec Chirac. Break le beat, flow tireur de sac, violent comme la bac. Mon putain de rap est dark, c'est Marc la brute, l'assassin de l'est, parisien, ça craint. Et j'ai ce putain de sang sur les mains. J'ai filmé Claude Méry exterminé cette fiotte. Pour l'anecdote, cette pute c'était un putain de jackpot. Boycott les faussaires et sort les flingues, c'est Ghetto Star contre les crews de Batrin. On brasse du vent, dévie Ghetto Star, on vient prendre les devants. Mec, t'as pas de vitesse, le 6, tu parles épée devant. Je suis rentré dans le truc comme passager 5-7. En place une pour Sam 7, crache la mort comme à 3-5-7. 7 fois la rue faire 7. Mate le casting sans jet, ville de belle à la recette. Cisaille, trop de flow à la seconde. J'emmerde Marianne et la Joconde. Ghetto Star, la DJ d'Edge, soldat sûr. En droit sort, ditch dat, mon sort rip reste. Crame ta chest comme tout ma witness. Ta roof con comme une tente à la maf. La voix rock, taf, mon rap fuck. La radio là-bas tous caillent sur du rock. En stock, on a les rimes, range tes combats de coq. Moi j'kick et contre les flics. Et la nuit ta meuf ne mange à stick. Je vois des seins dorés à Bali. Vider mes boules chaque soir. Des tailles vidées que mes potes sortent du ballon. En bolide, ensemble on se pète la boîte. Faut que l'équipe redevienne solide. Je veux voir comme on a la haine. Je me pose comme un patron dynamique. Moi et mes cailles de galère, c'est aussi ce qu'on habite. Pas de caïd, c'est pas une mafia pleine de mailles. Mais on t'éclate le zen comme un rail de cocaïne. Aujourd'hui y'a du rap grand, rappeur hardcore. C'est du tonnerre que je te donne, ça vient du grand nord. Règne des morts après notre passage. Ferme tes volets gars, j'sais bien qu'on va tout casser. C'est la merde qui cause, on le dit dégueu. Ça chlingue sur le beat quand je verse des rimes dégueu. Fouteur d'awa, ta gueule brûle comme le kawaii. Chauffe ton corps sur quand j'passe avec mes gars. Ouais, j'sais que tu kiffes ce sommet de mec bizarre. C'est du vrai, tu sais, du bon ghetto superstar. Ça sent le roussi et le shit après notre passage. Faut que ta air message sur beat pour la combine à air. Agite ta seuf et mets le bras au pas de pleurs. Rapa au risque, ma clique sur disque et c'est le chaos. Sachant dire non, c'est le putain thème. J'leur merde aux flics, aux putes de juge, au système. Explique aux porcs ici, c'est vulgaire le bel récit hardcore et la belle zèle. Ça sent le roussi et le shit après notre passage. Faut que ta air message sur beat pour la combine à air. Agite ta seuf et mets le bras au bas de pleurs. Rapa au risque, ma clique sur disque et c'est le chaos. Sachant dire non, c'est le putain thème. Donc merde aux flics, aux putes de juge, au système. Explique aux porcs ici, c'est vulgaire le bel récit hardcore et la belle zèle. Ghetto Superstar.